C'était une rediffusion de l'émission du Vent dans les synapses. Pour aider les collégiens et les lycéens à étudier, France Inter propose une sélection de podcasts reprenant les programmes scolaires, notamment en matière de sciences. Rendez-vous pour cela sur franceinter.fr.